Bien-aimés frères et sœurs, nous vous apportons la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Nous bénissons, bon Dieu, qui bat nous une belle journée et lui permette de nous retrouver encore ensemble autour de la table pour que nous soyons capables de continuer étudier parole lit et recevoir les instructions spéciales que le Saint-Esprit, le spécialiste des cœurs, gagne pour nous. Nous ouvrons que nous devant Seigneur, nous ouvrons audience ça pour que le Saint-Esprit capable lui-même agit. Nous balis carte blanche pour que lui capable couper ça pour couper, coller ça pour coller. Et nous avons garanti que nous mettons en application ça nous tendait, parce que nous connaissons que tout ça lui dit, c'est pour bonheur nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous remettons programme aujourd'hui, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous avons commencé à étudier une partie importante dans la famille. Nous avons entamé avec fondation. Nous dit tout bon entrepreneur, il prend temps li dans fondation. Li bien maré fait yo, li coulé béton, côté pou gen gros wash yo, li mette yo, parce que fondation, c'est li pral soutenir tout kail. Et qui sa bon Dieu fait comme fondation pour créer la famille, et non déjà, ouais, importance que la famille n'a pral gagné pour li, c'est yon à tout lié pour programme bon Dieu à souteya, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et fondation famille, là, c'est l'homme, le mâle. Quand je dis le mâle ici, mais parti garçon, hein, mâleux. L'homme masculin, alors nous allons laisser un mot pour bien comprendre, lui, c'est lui-même qui base foyer, base famille. Si base là solide, toute caille là solide, toute maison là solide. Et si base là fissurée, moi dis non déjà, si la commune passait, la ville passait, si y a inspecté caille là, yo ouais que base là, fondation là fissurée, yo condamné toute caille là. Famille gagne comme base li garçon. C'est pour raison ça qui fait m'inviter toutes mesdames yo sous l'île à comprendre à soi qui ça bon Dieu relé yon garçon. Qui Jean la Bible présenté yon garçon. M'invite tout garçon sous l'île, ou qui, quel que soit koto ou yekounia, kap koute parole ça, pour mette tête ou là, ou gen bibou bo koto ouvri bibou là, pour wè ki jan bon Dieu concevoit yon garçon, donc ça pral permettre ou wè la vérité sou ou ki so ou yé vrai, et kon sa pral agencer la vie ou. Qu'on sa pas jan moun parle ou, pas jan moun présente ou li, mais jan bon Dieu li même li présente ou garçon. Non te wè li di, faisons l'homme à notre image, tout ça que bon Dieu gagne la donne, li mette le tout dans l'homme, c'est pour ça nous créé à son image, nous gagne même essence avec elle, et selon notre ressemblance. Ça vle di, dans l'expression hébreu, ça veut dire qu'il fonctionne comme nous. c'est pas pour grand messie ou pas loin dans Bible là. Bon Dieu lui-même l'a parlé, il dit comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc nous fonctionner même genre à bon Dieu. Donc c'est pour raison ça qui fait la Bible là baille importance à père qui sous terre parce que sa papa sous terre présenté devant Timoun nan, c'est ça Timoun nan pour le prendre comme bon Dieu. Si nous aller avec dans Luc chapitre 3. Si nous lit Luc chapitre 3 jusqu'en bas nous pas loin dans la généalogie de Jésus. Là il dit Jésus est fils de un tel, il commence avec fils de Joseph. Maintenant, il a continué jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'en bas pour dire que Jésus était fils d'Adam et fils de Dieu. Donc en bas tout papa et kembe ça pour moi, c'est premier secret que tout papa doit kembe jodi a. En bas tout papa gagnait le vrai père qui est Dieu. En bas tout papa gagnait le vrai père qui est Dieu. Nous pas le retourner sous chapitre ça, le nous pas arriver non qui côté ou garçon doit joindre source pal. Maintenant, kembe ça pour moi jodi a que en bas tout papa gagnait le vrai père qui est Dieu. Donc c'est pour ça texte l'a dit nous fonctionner comme lui à sa ressemblance. Donc si nous besoin compte qui Jean ou papa fonctionner, li facile jodi a pour nous en y garder qui Jean bon Dieu fonctionner ou même fonctionner comme ça. Va me prendre ni. On aura noté ça pour moi papa qui l'a yo sous besoin compte qui Jean ou papa agit, qui Jean ou papa fonctionner. Gardez qui Jean bon Dieu fonctionner parce que ou créer pour qu'a fonctionner même Jean avec bon Dieu. M'gais a dit nous bonne bagaille là oui. Louer comment bon Dieu fonctionner, c'est comme ça ou même on peut fonctionner parce que bon Dieu c'est le père modèle, le père exemple. Donc si ou même ou pas contre qui Jean pour fonctionner comme papa, voyez jour dans Bible ouais qui Jean bon Dieu agit ou même agit comme ça tout et m'ai déjà bon garantie de pouvoir décider pour agir même j'avais tout ou bon backup là c'est lui-même ou gagne tout gouvernement ciel là derrière ou gagne toute bénédiction yo derrière qu'a bon backup l'ont décider agir selon la justice de Dieu, la façon de Dieu de faire les choses. Alors revenons à soya pour nous ouais. Alors, m'gè t'en fonti à avancer sous papa, yo, n'gon sujet spécial pour papa. Maintenant, on retourne dans garçon, ou tout simplement, à soya. Qui sa bon Dieu relé yon garçon? Hier soir, on te wè, que bon Dieu baille la race humaine le mandat pour dominer sur la terre. Mais il était déjà défini qui côté domination à pied. C'est pas garçon sous garçon, c'est pas garçon sous femme. Mais on a dominé sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur les reptiles. Mettez Satan comme un reptile. Donc nous là pour dominer sous Satan. Jésus pral dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, ou gen mandat pour marcher sous tout reptile, tout Satan, tout démon, toute la puissance de l'ennemi. Mais pas sur un homme. Pas sur la race humaine. C'est pour ça, tout programme, l'homme mettait pour dominer l'homme pas jamais réussi. Ou capable, et mettez-moi en esclavage pour un certain temps. Mais quand le cas privé, révolte la fête. Parce que naturellement, l'homme n'est pas fait pour dominer. Il n'est pas fait pour l'autre monde à dominer. Il est créé pour que l'homme soit capable de dominer. Et chaque gagné un domaine pour dominer. Maintenant, nous avons étudié Genèse 3:16 qui parlait de mot dominer. Et nous t'es entré dans sens moa en hébreu pour nous ouais ici c'est machal mais c'est pas rada ni mamraka comme royaume comme un roi cap gérer des choses mais c'est comme un guide comme un monde cap indiquer un chemin un professeur cap dit mes routes pour nous aller mes côtés pour nous aller c'est dans sens ça que texte là parlait de la femme doué bail à l'homme la place pour que l'homme capable diriger c'est selon le plan de Dieu. Alors on nous avance dans programme nous à soya. On nous dit que chaque ça bon Dieu fait, les fait pour une raison. D'ailleurs, tu as déjà précisé ça. Chaque ça bon Dieu fait, les fait pour une raison. Et il te dit si ou pas qu'on ait raison yon bagay, pas mettez main sous lit. Et si ou pas qu'on pour qui ça au garçon là, pas toucher aucun garçon. Parce que si vous touchez, ou par contre, pour qui ça l'a, on peut l'abuser, ou pas le demander pour le faire, ça l'a pas là pour le faire, et finalement, la tuer ou la tuer tête, lui. C'est exactement le problème, ça, qui passait lorsque l'homme quittait Eden, et côté le rivière, il commençait à fonctionner mal. Alors, mes frères, vous êtes comme vous êtes en fonction de ce que vous devez faire. Garçon, bon Dieu créé aux gens hier, les former aux gens hier, col bon là, les bon les gens ouais hier parce que ça le besoin faire avec là, c'est comme ça qu'a fait. Dieu est un Dieu de dessein, il va faire rien pour rien. Dieu va dire dans sa parole, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Ouvrez la Bible pour moi à soya. 1 Corinthiens 11, verset 3, il dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » On relit verset ça. Parce que Cléachite a l'art. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Mon chef, ça, c'est moi qui ai un pile problème. Moi qui ai un pile tête chargée. Pourtant, qui ça moi voulait dire? Tête kara, tête signifie tout simplement celui qui précède la chose. Celui qui a le sens de l'observation, qui pointait du doigt, qui donne la direction. Celui qui est là en premier. C'est pour ça, toute responsabilité, hein, pral sous lui parce que lui là avant. C'est tout ça, ça veut dire. Maintenant, lorsque tête l'a coupé, tout corps a mouri. Mesdames, en on prend image ça. Mais pour couper tête cabrit là, même s'il t'a couru ou sauté tête li, tout reste quoi mourit. Donc, nous imaginez, nous, ça qui passait dans des familles, dans le monde entier, côté yo retiré toute tête famille yo. Imaginez, nous reste là. Nous avons une bonne famille qui a marché avec tout bout en bas mourit parce que pas gain tête encore. C'est ça que fait nous obliger chita pour nous entrer dans le programme bon Dieu. Zami m'a de nous bagay. Bon Dieu, et m'a présenté son révélation pour m'banou la soya. Chita là pour nous prendre ça m'bral dia. Bon Dieu, pi intelligent passe nous. Pourquoi nous pensez ça? Bon Dieu, gen plus l'esprit passe nous. Et bon Dieu, ouais, pi loin passe nous. sou elle dit nous un bagaille, c'est parce que li connaît que ça dit nous, c'est li pour ba nous la paix, c'est li pour ba nous le bonheur, c'est li pour ba nous la joie et c'est li pour porter pour nous tout ça nous gain besoin pour nous bien fonctionner. L'homme est le chef de la femme. Mais restez là. On va retourner dans tout garçon yo konya. Pour nous comprendre fonction ou responsabilité yon garçon envers yon fille, faut que nous comprenne premièrement responsabilité ou position, bon prend mon position en pito, position Jésus par rapport à tout garçon. Pour nous comprendre qu'on y a position yon garçon par rapport à toute femme. Qui position Jésus par rapport à un homme? Christ est le chef de tout homme. Et si yon nèg, on va parler à mesdames yon kounya. Mesdames, ça va nous m'a parlé. Ou même si yon nèg là, ça va nous m'a parlé, mesdames. Si yon nèg, pas soumettre li à Jésus. Ou même mesdames, pas soumettre ou à li, ça vle di. Pas entrer dans mariage avec elle. Bon, moi prendre samedi. Ou pas ka marier avec yon moun sou pas soumettre à li. Automatiquement ou vin transgresser la loi. Nous va louer ça puis devant. Mariage gagnent deux grandes lois. Pas 3, pas 4, pas 5. Ouais, tout goumé mariage là, il y a deux seules lois, deux grandes lois. La loi de l'autorité et la loi de la soumission, mais deux seules ça qui fait mariage là. Dans toute l'autre bagarre, il y a une loi, dans la médecine, il y a une loi, la science, il y a une loi et les 10 commandements, c'est loi. Dans l'église, il y a une loi, mais mariage là, tout il y a une loi parle. Il y a deux grandes lois. La loi de l'autorité, est en fonction de garçon, hein? Et la loi de la soumission en fonction de fille. Et pour que le mariage la fonctionne, il faut que la loi de l'autorité, garçon, hein, comprenne sa lié d'abord. Un, l'homme doit être soumis à Christ. Et la femme va être soumise à son mari. Donc, mesdames, voyez jeune pour nous. Si nèg la pas soumettre à Christ d'abord, ou pas qu'à marier avec elle. Parce que, Jérémie 10, 23 dit, nous mettons marqué verset ça pour moi. Jérémie 10, 23 dit, je reconnais au Éternel que garçon, du moins c'est pas garçon, que l'homme, pas agi pour col. Li gagne toujours yon chef qui indique qui côté pour le mettre pâle. Ah, ça fait son révélation pour nous en soi. Marquez pour moi dans la Bible, nous. Jérémie 10, 23. Moun pas, l'homme pas créé pour agir pour col. On l'entend au dos, agir pour col là. À soya, verset ça, pour le montrer, ça, c'est faux. Et c'est ça, Satan qu'on est, qui fait le dit Adam, prends responsabilité, prends les choses en main, et vine tourner propre Dieu pour. Parce que loi dit, je reconnais que l'homme, derrière tout homme, il y a toujours un Seigneur. Donc, si l'homme pas gagné Jésus comme Seigneur, lui, gon l'autre. Et c'est là piège Satan teye pour Adam et Ève. Lorsqu'elle dit, Dieu wap ouvri, wap vin comme Dieu, en un mot, prend les choses en main ou même, c'est parce qu'elle connaît, loi a dit, que derrière tout homme, il y a un Seigneur. Et si l'homme pas soumettre-lui à Christ d'abord, bon, l'autre qui prend contrôle là, lui pas paraître, mais c'est lui qui a dirigé. Et c'est la piège là. Ouais, quand on commence à soi, garçon, ou même frère, ou même qui déjà marié, ou pas de compte ça, si vous voulez sauver mariage ou à soya, soumettez-vous à Jésus-Christ dans moment ça. Par une autre façon pour faire, entrer dans la Bible, lire avec Romains 10, versets 9 et 10, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de sa bouche qu'on est sauvé. Frère, meilleure activité qu'on peut entreprendre pour famille ou à soi, c'est soumettre où à Christ. Je vais prendre ça, mais si c'était sous lui, meilleure action qu'on peut poser pour famille ou, pour madame ou, pour petit ou, à soi là, c'est remettre entièrement la vie à Jésus. Soumettre tout à Jésus. C'est meilleure action qu'on peut poser. Ouais, c'est pas travail et fait double, fait 16 heures, c'est pas ça qui peut sauver famille. Parce qu'il y a une pile famille qui gagne l'argent qui a coulé dans la caille là qui pas vivre. Qui, au contraire, l'argent pral vin, il faut déjà dénoncer ça, nous parlons ça un peu plus loin. L'argent pas capable de faire gagner le bonheur si vous pas déjà gagné bonheur dans où. L'argent qui s'allie, l'argent son catalyseur. L'argent pral révéler ça déjà là. Sous un mauvais caractère, plus vous gagnez l'argent, plus le caractère là vin mauvais. Mais si vous avez un bon caractère, l'argent pour le fond fait plus bon bagaille toujours. Maintenant, l'argent est là pour lui motiver ça là déjà. Meilleure action qu'on a posée pour madame ou à soi, pour petit tout, c'est remettre la vie en main Jésus. Et lorsque yon garçon soumet li à Christ, li pas besoin goumen pour madame li soumettre li avec elle. Pour qui raison? Parce que nous pral wè pi devant que texte la pral dit femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Donc en un mot, fille avouée, li wè d'abord Christ est là et li pas gen problème pour soumettre li à Christ. Pas oublier, si quelqu'un est en Christ, donc, lui informé ou seul avec elle. Je ne vis plus maintenant, mais c'est Christ qui vit en moi. À partir de ce moment, fille a pas bien problème pour soumettre-lui à Christ. Si ou même ou déjà soumettre-lui à Christ. Alors, on avance. Le foyer chrétien, page 110, 111, nous lisons, Dieu n'a jamais voulu que le mari exerce son autorité comme chef de famille s'il n'est lui-même soumis au Christ. Il doit se placer sous l'autorité du Christ, ce qui lui permettra de refléter la relation qui unit Jésus à son Église. Foyer chrétien, page 110, bon Dieu, pas vle un garçon vin exercer autorité dans Kaila comme chef, si d'abord, li pas soumettre li à Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens 11, verset 3. Alors, frère, nous résoudre un problème là, dans le moment ça. Nous c'est sol, fondation. Donc, pour raison, la Bible dit que Christ est la fondation. Donc, tout ça qu'a bâti, bâti sous Christ. Donc, puisque l'homme est la tête, ici la tête parle de ça, en haut. Ici la tête, c'est pas le toit de la maison. Bon, moi, prendre bagaille là pour nous. Même problème, non. Là, on dit que l'homme est la tête ici. La tête, c'est pas toi qu'a est là. C'est pas ça couvrir qu'a est là. C'est pas ça tête là. Tête là, c'est point de départ là. C'est fondation. c'est saute en bas pour monter en haut. Donc c'est pas toiture là qui tête là là. Waouh. Tête là ici moi c'est point de départ là. C'est fondation, hein, sans mettre en vent. Et si au besoin dans yon nation, dans yon pays, dans yon société, ouais qui jan société a yé, moyen pour faire pour mesurer société a, c'est garder tout garçon qui dans société a. Parce que l'homme est la barre. L'homme, c'est la règle, c'est mesure société. Donc, Jean, ou, ouais, papa n'en fait ça. Jean, ouais, Marie là-dedans. Les gouverneurs de ce pays, les hommes de la communauté, les hommes de votre nation, les hommes de votre église, ils ont déterminé qui Jean nation a yé. M'gardez un bagay. Ouais, second l'église, qui gagne garçon converti là-dedans, ben, moi, prendre ça, moi, dire là, pour bien comprendre. Si me gagne, dans l'église là, 10 garçons convertis, après un certain temps, 10 garçons ça, ben, n'importe 40 moun, parce que chaque garçon ça, y'a pour un oufi, y'a chaque ben, au moins deux petites, m'y'a t'en gagne 40 membres avec 10 garçons, wa. Parce que le garçon là, fille a présenté yo naturellement. Mais là, dans l'église, c'est fille seulement ouais, qui a converti. C'est étonnant, ouais, plus pour nous convertir, c'est plus fille pour aller, parce que fille aller quand même, côté garçon, en yé, chaque garçon qui vient marié avec une fille, la lavelle. Donc, mesure, là. Ah, nos paroles là, oui. Mesure, société, là. C'est garçon, là. C'est pas pour grand messie qu'il faut, ouais, sous besoin de détruire société, là. Cible, c'est attaquer garçon. Parce que de pour attaquer garçon ou couper tête garçon ou couper tête là, tout reste corps aussi tombé. C'est dans ce sens ça pour nous comprendre bagaille là. Alors, mes frères, nous dans Corinthiens chapitre 11, on descend puis bas. On nous lit verset 7 là, verset 7. Là, on dit A, on a pris un petit premier bout là la donne, parce que le gombe la donne, que n'a pas pris devant. Verset 7 dit, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Ah, ça suffit pour me faire n'importe 3 jours là. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Ici, mot grec là, ici, li pas, c'est pas, et, toute race là, générale là. Là, elle parlait de masculin, garçon, de ça n'a pas parlé à soi là. Parce que reste bout là, pour elle dire nous, la femme est la gloire de l'homme. Alors, on aurait été dans la première partie, là. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. L'homme est la pleine manifestation de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la gloire? La gloire, c'est pleine manifestation yon bagay. La gloire, c'est le nous exposer bagay la jan liye ya. Bon, pon exemple. Mon tigre, pomme, tout petit, m'plantel. Li pousse, li ba yon gros pied pomme. Et puis, arrivé un certain temps, li mettait des pommes de yo. Kounya tout pomme sa yo commencé mûr rouge, l'on garde pied pomme là où est la gloire de ce pommier. Qui sa gloire là? Gloire là c'est manifestation pleine et entière de bagaille là. Et ça verset a dit là, l'homme est l'image, donc on sa image là est déjà. Et la gloire de Dieu. L'homme, c'est la manifestation pleine et entière de Dieu. Ouh! C'est lourd. Monsieur Chita, oui, Chita. Parce que ça, nous parlons au loup là, soir. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Mon gloire là, nous parlons Chita la donne. Mon gloire là, c'est un mot qui vraiment lourd de sens. Un mot, c'est ça que je l'ai dit même, lourd. L'homme est la gloire de Dieu. Ça veut dire, c'est la manifestation de Dieu. Chaque côté, un garçon paraît. C'est pour y avoir bon Dieu paraît là. Zanmim, mes paroles là. Chaque côté, yon garçon paraît. Yon doué, ouais, bon Dieu manifesté. Parce que l'homme est la gloire de Dieu. L'homme expose le caractère de Dieu. L'homme montre la personnalité de Dieu. L'homme révélait qui est bon Dieu y est. Bon, faisons un verset. 1 Jean 4, 16 dit, Dieu est amour. Donc, on verset ça, oui. Dieu est amour. Et le bon Dieu pour parler à l'homme qui ça le dit, lit Ephésiens chapitre 5, Marie, aimez votre femme. L'amour est Dieu. L'homme est la manifestation de Dieu. L'homme représente Dieu. Donc c'est peut-être ça que fait. Bon Dieu pour le bail commandement à l'homme directement. Marie, aimez votre femme. Ça veut dire, montrez l'amour de Dieu à votre femme. Si vous avez besoin de côté l'amour là, y est. Côté pour révéler l'amour là, manifester l'amour là, montrer l'amour là, montrer caractère bon Dieu, ces garçons. L'homme est la gloire de Dieu. Jésus pral dit dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire, ça veut dire ma personnalité, ma vraie essence, mon caractère, ma nature, mon image. Donc Jésus, non gloire ça. Or, le texte l'a dit, l'homme est la gloire de Dieu. Mon gloire là, en grec, doxa, lui signifie la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé. Pire moyen pour bon Dieu dévoiler gloire li, c'est pas dans fleur yo. C'est pas dans soleil là. Ouais, j'en soleil la briller, c'est pas soleil là. C'est pas et toutes belles pieds bois yo mettent ensemble. C'est pas toutes oiseaux yo, c'est pas tout ça qui révèle la gloire de Dieu. L'homme. L'homme est la gloire de Dieu. Moi, dis donc, petite parole, ça suffit pour me faire 3 jours avec nous là. Ça loue en pile. Moi, je l'ai dit, l'opinion. Donc, depuis où garçon paraît au côté, tout le monde a une opinion de bon Dieu. Va me reprendre ça. Donc, ça, gloire, opinion, jugement. Depuis un garçon paraît un côté, tout le monde fait une opinion de bon Dieu. On pas besoin d'un Bible qu'on y a. Parce que y a des gens qui ne peuvent jamais lire une Bible en main. Yo. Mais qui ont fait venir une idée de bon Dieu? Le garçon qui pote dans bon Dieu, depuis le paraît, il baille une opinion de bon Dieu. On paraît dans l'église là, moi, ouais, qui est ce bon Dieu? Yé? Bon Dieu, moi là, je ne jamais tourner dans l'église ça encore. Ou bon Dieu, moi là, m'a prêté là, m'a tourné là parce que j'ai une opinion de bon Dieu ça. Mais frère, voilà la chose. L'homme est la gloire de Dieu. Ou est-ce qu'on apprend, nous remet, dit oui, nous c'est la tête, mais c'est ça la tête là. La tête là, c'est lui-même qui gagne première responsabilité ça pour lui révéler qui. Parce que c'est comme si m'a dit, ou gon zone, ou al non zone. C'est vous-même qui condamne en premier. Donc, tout l'autre monde qui a venu, c'est vous-même qui pour indiquer mon yo, mais côté gain danger, mais côté gain manger, mais côté gain de l'eau. Donc, c'est sa tête là, là pour le faire. C'est pas là pour le bail mounio bâton, mais là pour indiquer mounio, mais qui côté pour joindre, ça pour joindre, pour fonctionner dans zone ça. L'homme est la gloire de Dieu. L'homme est là pour révéler qui est bon Dieu à yé. Oh, frères et sœurs, expression gloire là, kavod, son expression lui-même qui gouneg en pile. Kavod ça, li signifie en pile bagay. Li signifie lourd, li signifie ce qui est pesant, li signifie l'abondance, li signifie la richesse, li signifie la gloire, li signifie la prospérité. Donc, kembenou, un homme est conçu pour vivre dans la gloire. Un homme est conçu pour vivre dans la richesse. Un homme est conçu pour vivre dans la prospérité. Parce que l'homme est la gloire de Dieu. On va prendre ça. Faut nous comprendre ça. Bon Dieu, pas un Dieu qui pauvre. Et bon Dieu, qui Jean bon Dieu manifeste-t-elle là, l'homme. L'homme est la gloire de Dieu. Donc, mot kavod ça, c'est un mot qui gronègue en pile, qui signifie tout ça. Et l'homme représentait la gloire de Dieu. Il est lourd. Quand il est lourd là, moa dans l'expression, hein, c'est un monde qui est chargé d'or. Ouais, il gonchaille l'or sous lui, donc il est lourd, il est pesant. Le paraît au côté, tout le monde well. Il est la gloire. Amen. De Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est raison ça qui fait